Marco Douiman. Bonjour à vous tous, vous voudrez bien nous excuser pour ce léger retard. Un seul grand titre pour cette grande édition de cette mi-journée du 2 août 2019. Nous parlons de la problématique de la gestion des déchets ménagers en mairie de Bujumbura, avec pour commencer des reportages descriptifs de la situation dans certains endroits choisis par la rédaction. Ensuite, des officiels s'exprimeront sur ce sujet, notamment la mairie de Bujumbura, le ministère de l'Environnement et celui de la Santé. Enfin, le mot d'un expert chimiste environnementaliste clôturera la rubrique des analyses et réactions. Et pour boucler la boucle, nous avons eu également notre mot à dire. Mireille Kanyang viendra nous lire le commentaire de la rédaction. Ce journal est mis en onde par Alphonse Koublimana. Francine Diokougayo en assure la réalisation. Rebonjour. La radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, nous plantons d'abord le décor dans certains endroits choisis par la rédaction. Cap sur Kamenge. Une partie des immondices situées à la 14e avenue de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura a été enlevée, comme l'indiquent des riverains de cette localité. Ils affirment qu'ils sont satisfaits de ce geste et expliquent qu'ils seront protégés contre les maladies des mains sales. Ces habitants de la zone Kamenge demandent l'enlèvement de la partie restante de ces immondices. Et c'est un reportage de Vestine Boutoui. Au moins un tiers d'immondices est situé à la rencontre de la 14e avenue et celle communément appelée avenue Buyengero, se trouvant dans le quartier Milango 2 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura, a été enlevé depuis ce mercredi, selon certains riverains de cet endroit. Ces derniers disent être satisfaits par ces activités d'enlèvement de ces ordures dans cette place. Ils affirment qu'à la fin de ces travaux, ils seront mieux protégés contre les maladies des mains sales et auront les facilités dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Néanmoins, ces habitants de la zone Kamenge demande aux autorités habilitées l'enlèvement total de ces immondices dans cette localité. La situation est ainsi au moment où il s'observe encore des tas d'immondices, notamment dans le quartier 6 de la zone Ngagara, tout près de la route venant du rond-point des Nations Unies vers la gare du Nord, et même à côté de l'EPJP Nyakabiga, se trouvant en zone Nyakabiga, tout proche de l'Université du Burundi, campus Mutanga. Vestine Boutoyi, également satisfaction du côté du Kotebu. L'enlèvement des immondices en face du marché du Kotebu a facilité les activités de commerce dans cet endroit, comme l'indiquent les commerçants de ce marché qui conseillent leurs collègues à jeter ces déchets dans les poubelles. Ils souhaitent que cette activité d'enlèvement de ces déchets ne soit pas interrompue. On fait le point avec Mélissa Kandava. Selon les commerçants de cet endroit, les poubelles sont disponibles pour y jeter ces déchets avant que les véhicules viennent les embarquer. Ces commerçants disent que depuis qu'on a enlevé les immondices qui se trouvaient dans les endroits de travail, leurs activités avancent bien. Chacun doit jeter les déchets dans la poubelle avant que les véhicules viennent pour les embarquer. En plus, l'endroit est devenu vaste puisqu'il n'y a plus ces déchets. On peut même y passer facilement, donc ça nous avantage dans nos activités. Certains des commerçants de cet ancien dépotoir conseillent à leurs collègues de ne pas jeter les déchets n'importe où. Ils demandent à ceux qui sont chargés de la propriété de son marché qu'il serait préférable d'enlever régulièrement ces déchets. Nous demandons aux concernés de bien garder toujours son marché propre car il s'agit d'un bien public. La même activité d'enlèvement des immondices a été faite dans la zone Nyakabiga à côté de la paroisse Saint-Sauveur. Et certains habitants de la zone Wouterere au nord de la capitale Bujumbura, dont les parcelles sont proches du dépotoir situé dans cette zone, se plaignent que les déchets ont envahi leurs parcelles. Ils disent que ces déchets les empêchent de construire. Ils réclament l'évacuation de ces immondices ou une clôture de cet espace. Les précisions de Moïse Misago. C'est l'un des habitants de la zone Ebuterere dont la parcelle est déjà envahie par les immondices. Lui, comme les autres propriétaires des parcelles dans cette localité, disent que ces immondices les empêchent de construire dans leur parcelle. Ici, c'est chez moi. Toujours on dépose ces déchets ici. Mais maintenant, ils ne passent pas par ici. Ils ont changé d'itinéraire. Ils passent par là-haut. Ma parcelle est toujours débordée par ces déchets. Donc, je suis incapable de construire à cause de ces déchets. Ces déchets débordent jusqu'au milieu de la maison, jusqu'à bloquer le passage. Vous-même, vous n'allez pas avoir le passage. J'ai embauché une personne pour essayer de dégager. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a au moins un petit passage. On ne peut pas construire. On n'a pas de place où mettre les matériaux. C'est impossible. Certains de ces habitants craignent d'être expropriés car, disent-ils, leurs parcelles sont occupées par les déchets de ce dépotoir. Ils demandent que cet espace soit clôturé. Nous doutons qu'avec ces déchets débordant dans nos parcelles, un jour on pourra dire que cette parcelle ne m'appartient pas. Mais je l'ai achetée, j'ai même des papiers, j'ai le titre foncier. Nous supplions les concernés d'enlever ces déchets parce que nous-mêmes nous voulons construire. À ce sujet, le chef de zone Buterere, Ernest Nduimana, appelle les autorités compétentes à trouver une solution à ce problème. Il implore que ce dépotoir soit clôturé afin de protéger la population. Et certains habitants dans certains quartiers du nord de la capitale Bujumbura se disent satisfaits du travail des sociétés en charge de la salubrité dans cette localité. Ils recommandent néanmoins à ces dernières de doubler d'efforts en respectant les conventions conjointement signées. La société Runa Business Company appelle l'administration locale à s'impliquer davantage pour que ce travail soit bien fait. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. On ouvre maintenant la rubrique des analyses et réactions. Tous les concernés, notamment le ministère de la Santé et de l'Environnement, devraient travailler en synergie pour éradiquer les décharges clandestines. C'est en tout cas le souhait de Prosper Moyoukou. Il est responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement au sein du ministère de la Santé. Il appelle la population urbaine à ne pas jeter les déchets n'importe où. Suivez Prosper Moyoukou. Quand des déchets sont jetés au hasard dans la clandestinité, ça crée effectivement des foyers de contamination, des foyers de reproduction des vecteurs, notamment les mouches, les cafards, les rats, ce qui, à la fin de compte, conduisent aux maladies diarrhéiques et cela crée un problème aussi bien sanitaire qu'économique et éventuellement environnemental. À votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire éradiquer de ce comportement qu'on voit des gens qui jettent les déchets partout, n'importe comment? Le ministère de la Santé est une des parties prenantes pour la gestion des déchets. Surtout, il a dans sa mission la sensibilisation des communautés. Mais il y a d'autres ministères qui ont dans les attributions la définition des sites de transfert de déchets. Il y en a qui sont chargés de décharges ou d'enfouissement technique. Il y en a qui sont chargés d'assurer le transport. Donc, nous sommes un secteur pluridisciplinaire. Pour ce qui est du ministère de la Santé publique, il est déjà établi des techniciens de promotion de la santé dans tous les quartiers de la ville de Bujumbura, dans tous les centres de santé. Nos techniciens là pour donner des conseils, encourager ceux qui le font bien et puis montrer le danger pour ceux qui ne le font pas correctement, qui font fi de l'insalubrité qu'ils créent. À un certain moment, nous avons déjà réalisé les documents de code d'hygiène et assainissement. Il y a déjà le code de l'eau qui parle des comportements qu'il faudrait adopter, des comportements obligatoires, ce qui est interdit, etc. Les gens sont toujours réticents devant un problème de mauvaise habitude. C'est vrai qu'on n'avait pas encore pensé à l'introduction des sanctions, mais on sera obligé d'apporter les sanctions. Au niveau du ministère de la Santé, dit que nous avons l'ultime obligation d'indiquer la population, de montrer ce qui ne va pas. Nous ne travaillons pas en solo. Il y a l'administration territoriale. Il y a dans sa mission la définition des sites de transfert de déchets, la définition des charges contrôlées, des sites d'enfouissement technique. Nous avons le ministère de l'Environnement qui doit aussi contribuer à la définition de ces différents sites. Nous avons également le ministère de l'Énergie et des Mines qui a dans ses attributions à travers ANR des eaux usées. Ce qui fait que nous avons l'ultime obligation de travailler en synergie sans toutefois s'accuser et par conséquent contribuer à la lutte contre différentes maladies à caractère épidémique, notamment le choléra et d'autres maladies diarrhéiques. Prosper Moyoukou, il est chargé de l'hygiène et de l'assainissement au ministère de la Santé. Il était au téléphone avec Naomi Nitegeka. Et au ministère de l'Environnement, la directrice de l'assainissement et de l'environnement nous dit que le site de décharge contrôlé qui se situe à Muzinda en province de Bubanza a été choisi dans le but de respecter les normes environnementales en vigueur. Jeanne Francine Ngunzimana explique que ce site est pour le moment géré par la mairie de Bujumbura. Suivez-la au micro de Marie-Claire Cazeneza. L'endroit qui avait été choisi comme site de décharge contrôlé se situe en commune Lugazi, à l'endroit appelé Kididaguzo, en province de Bubanza. Cette zone a été choisie justement à voir les critères qu'on pouvait utiliser pour choisir ce site pour justement respecter les normes environnementales en vigueur. La superficie de ce site est d'environ 9 hectares, c'est plus de 9 hectares. Justement, parmi les critères de choix, je peux parler, on devrait d'abord voir si parmi les terres domaniales, si il y a un site qui peut être utilisé à cet effet. On a alors eu la chance d'avoir ce site terre domaniale, comme c'est bien mentionné dans l'attestation de vacances de terre signée par l'administrateur communal de Lugazi en 2013. Et par après, on a justement cherché d'autres papiers testant que c'est un terrain de l'État et notamment le titre foncier qui a été disponible depuis 2014. Est-ce que ce site n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement? On l'a choisi tout d'abord puisque c'était un peu plus loin des maisons d'habitation, que ça ne pouvait pas causer des dégâts à la nappe phréatique, c'est-à-dire à l'eau. À l'état actuel, qui est en charge de ce site? Après avoir été identifié par le ministère en charge de l'environnement, c'est que la mairie de Bujumbura savait justement que ce site devrait abriter les déchets en provenance de la mairie de Bujumbura. Ça revient à la mairie alors d'exploiter ce site pour l'utilisation. Jeanne-Francine Ngonzimana, c'est la directrice de l'assainissement et de l'environnement au ministère de l'Environnement. De son côté, le maire de la ville de Bujumbura confirme que certaines sociétés chargées d'enlever les déchets ménagers n'ont pas été à la hauteur de leur travail. Freddy Monima indique aussi que certains administratifs à la base ne se sont pas suffisamment impliqués pour sensibiliser la population jusqu'à ce que cette dernière se désiste. Il garantit toutefois que cette problématique va bientôt trouver une solution durable. Suivez le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima, au micro de Ben Yonguru. Avant que je ne vienne, il y avait déjà la création des associations que j'ai redynamisées. Mais malheureusement, et ces gens-là n'avaient pas aussi des moyens consistants pour pouvoir avoir un équipement adéquat. Donc, en certains moments, il y a eu un relâchement. Il y a eu aussi création des dépotoirs clandestins. Est-ce que la mairie aurait refusé à certaines sociétés de faire ce travail? Oui. Après la défense de certaines. En fait, au début, tout le monde croyait qu'il y avait beaucoup de bénéfices. Alors, comme on devait limiter, il y a certaines associations qui n'ont pas eu la chance d'être retenues. Mais actuellement, comme il y a beaucoup de démissionnaires, CQVR peuvent venir, qui viennent demander et nous leur donnons cette chance de travailler, tout en espérant que souvent ils tiennent, souvent ça ne va pas, parce que le suivi est tellement difficile, étant donné que certains prennent ces déchets le soir, viennent les déverser clandestinement. Est-ce que la mairie intervient dans la régulation des prix pour dire que certains citadins se seraient désistés à cause des prix exorbitants? Il y a effectivement un service de brigade de salubrité en mairie de Bujumbura et nous avons signé une décision du maire et qui régulait ces prix. Je me rappelle bien qu'Ngagara devait payer 5000 francs par ménage et Boutelé les 1000 francs. Il y a quelques temps, il y avait aussi un problème de dépotoir public de Boutelé qui n'est plus fonctionnaire. Alors, il y a le terrain de Mozinda qui a été mis à la disposition de la mairie. Est-ce que ce terrain aujourd'hui il est déjà opérationnel? Et ce terrain demande beaucoup de moyens pour l'aménager, surtout qu'on doit l'aménager en fonction du traitement qu'on envisage de faire, la transformation des déchets en énergie. Mais je pense bien que la question n'est plus une affaire de la mairie de Bujumbura. On devrait aussi associer l'office burundais au Bura, qui maintenant est en charge de l'hygiène et qui a récupéré les services techniques municipaux. C'était le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Chimbonima, au micro de Ben Niyonguru. Et place maintenant à l'analyse d'un expert en la personne du professeur Ndikumana Théophile. Il est expert en sciences chimiques et environnementales. Il explique que les matières plastiques fermentées cibles jetées dans la nature sont nuisibles pour l'environnement. Il dit que c'est les déchets ménagers produits en mairie de Bujumbura sont autour de 200 kg par ménage et par an. Ces matières non dégradables peuvent être recyclées dans le but de recharger les chaussées et dans d'autres cas, ils peuvent servir d'engrais naturels pour les matières fermentescibles. On écoute le professeur Théophile Ndikumana. Qu'est-ce qu'on produit comme déchets ici à Bujumbura? Ça tourne autour de 0,5 kg de déchets par habitant et par jour. Et en cela, c'est tout compris. Il y a une grande production de déchets, ce qu'on appelle communément les déchets solides municipaux, que l'on peut répartir en deux grandes catégories. Les déchets non fermentescibles, constitués par les sachets plastiques, les bouteilles plastiques et d'autres produits. Produits solides, métaux, faïence, verre, etc. Et les déchets fermentescibles. Donc il y a moyen de traiter ces déchets. On peut envisager plusieurs filières simultanément. C'est le compostage avec des matières de vidange, des fosses septiques. Et on obtient à la fin de l'opération un produit de très bonne qualité agronomique. Ces bouteilles plastiques, c'est recyclable, peuvent être déchiquetées en tout petits morceaux et être engagées dans un processus de production de nouvelles bouteilles. Également, ça peut servir pour recharger les chaussées. Les opérateurs économiques peuvent le faire. L'État peut le faire également. Nous payons des impôts, donc ça peut servir notamment pour lancer des projets de moyenne envergure afin de traiter les déchets. Le professeur Théophile Ndikoumana, expert en sciences chimiques et environnementales. Je vous l'avais dit, on boucle la boucle avec ce commentaire de la rédaction lu par Mireille Kanyang. La propreté est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Hôtels, routes et différents immeubles, espaces verts et autres sont quelques-unes des caractéristiques d'une ville verte. Bujumbura, aujourd'hui capitale économique, est située dans la plaine de Rimbo, des montagnes de la province Bujumbura, la surplombe avec une belle vue sur le lac Tanganyika. À l'heure actuelle, dans certains quartiers de la ville, des déchets ménagers font bon ménage avec des citadins. Certains vident leurs poubelles dans des canalisations qui, plus tard, atterrissent dans les eaux du lac Tanganyika. Des coopératives de collecte des déchets ménagers ont été agréées, mais à la grande surprise des citadins, la situation n'a guère changé. Des grognes fusent du côté de ces coopératives, avançant qu'ils ne sont pas payés. C'est aussi du côté des habitants pointant du doigt le travail de ces coopératives. Le long des routes, de petits dépotoirs clandestins se créent, alors qu'un dépotoir public non clôturé a été aménagé à Buterere. Pourquoi ? L'autorité municipale a récemment annoncé que c'était des charges débordées, d'où le ministère de l'Environnement a cédé un autre espace à Muzinda, en province Bubanza. Les citadins ont jubilé. Il est urgent que la gestion des déchets ménagers soit une préoccupation de plus d'un pour éviter tout risque de maladie. Il est vrai, la propriété est réelle dans certains quartiers, mais pas suffisante. Le plan directeur Bujumbura Vision 2045, annoncé en novembre 2017, la vision d'un pôle urbain dynamique à l'image de Singapour, devrait guider toute initiative. La propriété d'une ville, c'est comme la propriété d'une maison. Une ville propre, c'est l'affaire de tous. Merci Mireille Kanyangé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi. Jean Bosco, Douimane.